C'est une promotion où les clients peuvent laisser tomber leur téléphone dans une boîte qui s'appelle une cell phone coop, un petit peu comme une comme pour les poulets, là, genre le poulailler à téléphone cellulaire. Une petite boîte carrée qui va être en plein milieu de la table. Donc ça va là pendant que les gens peuvent manger. Les groupes qui vont réussir à durer tout le repas sans avoir touché à leur téléphone vont recevoir un cornet de crème glacée gratuit. Oh. Et jusqu'à maintenant, c'est un succès. Donc, les opérateurs de d'autres restaurants Chick-fil-A ont demandé d'avoir leur propre poulailler à téléphone cellulaire. Résultat, la compagnie a ouvert le défi à 150 restaurants avec la possibilité de plus tard étendre ça à la chaîne au complet. Donc, les étapes, comment le défi fonctionne, c'est écrit sur la boîte. 1. Éteignez les téléphones cellulaires et mettez-les dans le poulailler à téléphone. 2. Savourez votre repas Chick-fil-A sans aucune distraction. Et 3. Après le repas, dites-nous que vous avez réussi à compléter le défi et chacun recevra un cornet de crème glacée. J'imagine que la boîte, une fois ouverte, ça doit déchirer quelque chose pour que ça paraisse que tu l'as ouvert. J'ose espérer. Est-ce qu'on arrête là? Je pense qu'on devrait arrêter là pour pouvoir se quitter en musique que Génial Liberté commence dans les temps. Donc voilà, une grosse pointe à l'adresse. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Il y a pas mal de nouvelles et on pourra continuer la semaine prochaine parce qu'on fait ça tous les jeudis. Assemblage. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Une Colombienne cachait de la cocaïne dans ses implants mammaires. Ben oui, hein, ça y boostait un peu le galbe. Berlin, ça s'est passé à Berlin. Sûrement la saisie, en tout cas. La Colombienne, donc, de 24 ans, a été arrêtée à l'aéroport de Francfort après la découverte d'un kilo de cocaïne dissimulé dans ses implants mammaires. Les autorités aéroportuaires ont expliqué avoir eu des doutes en constatant, lors d'une fouille, que la jeune femme portait des cicatrices récentes sous la poitrine. Comment se fait qu'ils ont regardé les cicatrices récentes sous sa poitrine? La jeune Colombienne a reconnu transporter des stupéfiants introduits dans sa poitrine au cours d'une opération de chirurgie esthétique organisée à la hâte. Des médecins hospitaliers ont ensuite retiré de chaque sein, 500 grammes de cocaïne. Selon un porte-parole des douanes, la drogue à destination de l'Espagne a une valeur d'environ 200 000 euros. C'est le premier cas de ce type en Allemagne, a déclaré Hans-Jürgen Schmitz, porte-parole de l'administration des douanes, ajoutant que les douaniers de Francfort avaient été stupéfaits par l'amateurisme de l'opération subie par la jeune femme qui démontre l'indifférence totale des trafiquants de drogue à l'égard de la vie d'une jeune femme et les risques pris par leur mule. Eh ben oui. Génial. On voit tout de suite la brillance, hein, mais il y a des gens, je vois les commentaires de certaines personnes s'en remettre et puis remettre en cause la Colombienne. Oui, c'est elle la mule, oui, c'est elle qui a fait le trafic, mais je pense que c'est les terribles trafiquants derrière là, qui ont vraiment aucune espèce de conscience. La Colombienne, elle, moi, je pense pas qu'elle fasse ça par pur plaisir, hein, d'après vous. En tout cas, une militante. Ah, elle, c'est ma conne du jour. Et puis, je suis content du karma, de ce qui est arrivé. Une militante pro-arme à feu se fait tirer dessus par son fils de 4 ans. Sérieux, qu'est-ce que tu veux? Sérieux, une belle nouvelle de la journée, je pense, c'est celle-là. Alors qu'elle circulait sur un boulevard du comté de Putnam, en Floride, à bord d'une camionnette, une femme de 31 ans a été atteinte d'un coup de feu. Tant mieux! Lorsque les policiers ont remarqué le véhicule stationné partiellement sur l'accotement de la route 20, eh bien, ils ont aussi observé la conductrice se comportant de manière anormale. En s'approchant pour s'enquérir de la situation, ils ont eu tôt fait constater qu'elle était gravement blessée. Étonnés, les représentants des forces de l'ordre lui ont demandé la raison de sa blessure. La réponse de Jamie Gilt, donc la femme meurtrie au volant de la camionnette, les a encore plus surpris. Elle a dit « C'est mon fils de 4 ans assis sur la banquette arrière qui m'a accidentellement tiré dessus ». Les policiers ont retrouvé l'arme qui a fait feu sur le plancher du véhicule puisque les seuls points d'impact ont été retrouvés sur le siège du conducteur et qu'aucun autre point d'entrée ou de sortie du projectile n'a été constaté. Ils en sont arrivés à la conclusion que le coup de feu a véritablement été tiré à partir de l'intérieur du véhicule par le jeune homme. La femme originaire de Jacksonville a été transportée à l'hôpital où elle repose dans un état stable tandis que son enfant a été confié à des membres de sa famille. Une enquête est menée pour savoir comment le bambin a pris possession de l'arme et à qui elle appartient. S'il est prouvé que le revolver appartenait ou était sous la responsabilité de Gilt et qu'il y a eu négligence dans la gestion de celui-ci, des charges pourraient être portées. Hein? Ça, je trouve ça génial. Tu peux être accusé même de t'être fait tirer dessus puis tu fais rien que mériter ça, espèce de connasse. Ce qu'il y a de plus particulier dans cette histoire abracadabrante, c'est que Jimmy Guilt est, selon toute vraisemblance, une fervente partisane du droit du port d'armes à feu. Elle a sa propre page Facebook qui se nomme Jimmy Guilt for Gun Sense, sur laquelle elle publie même des trucs prônant la liberté de porter des armes en tout temps et se moquant des règles en entourant la possession d'armes à feu. Voici quelques images qu'elle a publiées sur Facebook. Vous irez voir ça. C'est vraiment d'un karma génial. On aime ça vraiment. J'adore ce genre de nouvelles. Éloise, donc, se prépare du cirque... Le cirque Éloise, je crois, se sépare du cirque du Soleil faute de projets en développement. Je savais pas qu'il y avait une collaboration entre le cirque Éloise et le cirque du Soleil. Mais faute de projets donc de développement, le cirque Éloise a racheté sa participation de 50% détenue par le cirque du Soleil. On est redevenu indépendant. Il n'y avait plus de projet du cirque du Soleil pour nous, a confirmé Maxime Charbonneau, directeur du développement des affaires des communications au cirque Éloise. Le cirque Éloise, sérieusement, moi c'est un des plus beaux cirques que j'ai vu dans ma vie. J'avais vu une prestation ici au port de Trois-Rivières il y a peut-être 10-15 ans. Et puis c'était magistral, sans être aussi bonbon que le Cirque du Soleil. J'ai rien contre le Cirque du Soleil, ils sont très très bons, ils sont très professionnels. Mais on voit que ça va plus aussi bien que ça l'allait. Et le Cirque Édouard, je pense qu'ils ont fait une bonne chose de se détacher du Cirque du Soleil. Depuis le rachat par des investisseurs internationaux, notamment des investisseurs chinois, du Cirque du Soleil, eh bien, le Cirque Éloise n'était qu'une organisation parmi tant d'autres dans le portfolio du géant du divertissement. Le Cirque Éloise a bien vu qu'il avait de moins en moins d'attention de la part du Cirque du Soleil et que l'intérêt n'était plus là. C'est ce qu'a déclaré Raymond Legout, professeur agréé en marketing au HEC Montréal. Avant son rachat, le Cirque du Soleil a cherché des manières de générer des revenus autrement qu'avec leur propre spectacle. Les dirigeants du cirque y reviennent aujourd'hui et c'est ce qu'a ajouté M. Lejoux. Ils se focalisent à nouveau là où ils ont un avantage concurrentiel. Ils ont senti qu'ils s'éparpillaient. C'est une séparation qui arrive au bon moment, a ajouté le professeur. En s'associant avec le Cirque Éloise, Renaud Lejoux, Legout croit que le Cirque du Soleil cherchait de nouvelles façon d'innover et des créations plus frugales. Il souhaitait produire des spectacles moins coûteux, mais peut-être que la greffe n'a pas pris et que les deux cultures n'étaient pas si compatibles, a-t-il soutenu. Ben effectivement, moi c'est ce que j'aime du Cirque Éloise, qui avait un petit côté un peu plus proche, un peu plus pas bancal, parce que c'est des professionnels de haut niveau. Mais il y avait un petit côté moins hautain, je trouve, au Cirque Éloise. Le Cirque du Soleil était très occupé ailleurs. Dans ce genre de partenariat, il faut se donner du temps. Mais quand ça ne fonctionne pas, c'est la bonne chose à faire. Ben oui, hein, c'est comme dans un couple. T'as beau vouloir être accompagné, mais si tu l'es mal accompagné puis que tu te nuis plus que tu t'aides, t'es aussi bien de te séparer. C'est une décision donc empreinte de maturité. Les deux côtés ont été transparents, ça s'est fait de manière élégante. Ben ça, c'est tout à leur honneur. Le Cirque Éloise a conservé toute sa créativité et sa capacité d'innovation. Et il ne s'est pas épuisé dans l'exercice. Tant mieux. Parce que c'est vraiment un beau fleuron québécois, ça aussi, le Cirque Éloise. Vraiment, faut pas le dénigrer. Le bilan de la collaboration avec le Cirque du Soleil n'est que positif, a affirmé de son côté M. Maxime Charbonneau. Notre association avec le Cirque du Soleil nous a apporté des accès privilégiés aux capitaux, aux emprunts, ainsi que des contacts et l'accès à des promoteurs. Nous n'aurions jamais pu faire notre tournée en Russie sans le Cirque du Soleil. Effectivement, le Cirque Éloise a organisé une tournée de 98 représentations en Russie, la plus importante réalisée par une compagnie occidentale. Le Cirque du Soleil a aussi permis à Éloise, qui compte une trentaine d'employés permanents, de même qu'une soixantaine en tournée, d'adopter des meilleures pratiques de gestion. Donc, on a appris à mieux se structurer, à mieux se gérer grâce au support de cette grande entreprise qui est le Cirque du Soleil. Le Cirque Éloise va continuer sa progression et son développement. Et comme toute la communauté artistique, Maxime Charbonneau a été déçu de la vente du Cirque du Soleil, lui-même ayant travaillé là-bas pendant 6 ans. Ça a été toute une onde de choc. C'est dommage qu'un fleuron québécois soit encore passé à des investisseurs étrangers, mais le génie créatif québécois sera toujours à l'œuvre, a-t-il soutenu. Et il sera toujours en demande aussi. Ça, c'est vraiment très, très cool ce qui va se passer dans quelques temps. Si vous aimez les émissions là, de brocante, si vous aimez les trucs de pawn shop, les trucs, dans le fond, les marchés aux puces, les antiquités, les trucs vintage, Eh bien, saviez-vous que le village québécois d'antan, eh bien, vide son grenier? Plus de 500 objets seront mis en vente pour amasser des fonds en vue de rénover les bâtiments. Donc, ça se passe bien sûr à Drummondville. Les collectionneurs et les passionnés d'histoire pourront mettre la main sur quelques 500 artefacts et objets inusités ayant appartenu à nos ancêtres. Dans le lot, une prothèse fabriquée au début des années 1900 qui a été portée par une personne handicapée avant la Première Guerre mondiale suscitera assurément de la curiosité. Elle a du vécu, on voit les marques, c'est un objet insolite qui est très recherché, soutient le directeur de l'authenticité, Claude Tessier. L'encan du 4 juin, où seront vendus les objets qui dormaient dans le grenier, présentera aussi une chaise berçante fabriquée il y a plus de 200 ans, un fauteuil roulant digne des meilleurs films d'horreur. Il y a aussi de plus en plus de gens qui trippent sur les vieux objets, ça donne bien. C'est ce que soutient Éric Véraud, le directeur général du village québécois d'antan. Il n'y aura toutefois pas d'objets ayant appartenu à des célébrités. Les objets des gens célèbres sont en exposition. Par exemple, on a tout le set de salon de Françoise Godette-Smith. Françoise Godette-Smith qui était... La mentor de ma grand-mère, une auteure du 20e siècle, mais on le garde dans notre collection. C'est ce qu'ajoute le directeur général, tout sourire. Il sera par contre possible de retrouver des barrettes à beurre, des objets religieux, plusieurs lampes à l'huile, de la vieille machinerie agricole, etc. Il dit qu'il y a plusieurs articles qui vont se vendre entre 20, 30 et 40 $ alors que d'autres, comme la faucheuse ou un mobilier de cuisine, peuvent aller plutôt jusqu'à 7000 $. On espère qu'à travers l'encan, ils auront une deuxième vie. Ajoute-t-il. L'objectif est d'amasser 50 000 $ afin de rénover les 70 bâtiments d'époque qui se trouvent sur le site de Drummondville, ouvert depuis plus de 38 ans. Ce type de campagne est nécessaire pour la santé financière de l'entreprise puisque l'autofinancement représente 95% de son budget annuel. Et là, il faut vraiment noter là, que ce n'est pas du tout une vente de feu, au contraire. C'est plutôt une nouvelle activité qui permettra de diversifier leur offre au village québécois d'antan et de les faire connaître ainsi que d'attirer une nouvelle clientèle. Chaque année, près de 175 000 personnes visitent les installations du village québécois d'antan. Allez-y! Tiens donc, on va quitter le village québécois d'antan pour aller découvrir la luxueuse résidence à 3 millions de $ de qui? Ben de MC Mario! Ben oui, on rit tout le temps d'MC Mario depuis 100 ans, mais je pense que c'est lui qui rit de nous autres avec ses millions. Hein? Le célèbre disque jockey MC Mario, si vous aimez mieux, il s'appelle pour vrai Mario Tremblay, comme le célèbre joueur de hockey, a mis sa somptueuse demeure en vente, résidence de Candiac, sur le site de Sotheby's International Realty. Cette demeure, située dans un quartier cossu, ceinturé par le club de golf de Candiac, eh bien, cette propriété trouvera preneur en échange de 2 995 000 $. On peut dire 3 millions, hein? On y retrouve, entre autres, 6 chambres à coucher, 4 salles de bain, un atrium barbecue, une salle de billard, une salle d'entraînement, un beau gros cellier, un salon pour fumer de la chicha, un sauna, un garage pour 4 voitures, ainsi qu'une piscine creusée dans la cour arrière. Un coup d'œil vaut le détour. Allez voir les images via la page Facebook du Dinitcon. Les explorateurs en immobilier du site Tower Trip ont eu la chance de visiter l'immense demeure. Ils y ont pris des clichés spectaculaires qu'ils nous autorisent à partager avec vous. Vous irez voir ça via la page Facebook du Dinitcon. De la belle grosse, du gros luxe, du très très gros luxe. Ça va bien pour MC Mario. Hein? Pourtant, je sais pas ce qu'il fait de ce temps-ci. Mais en tout cas, ça va bien. Avis aux intéressés, si vous prévoyez faire l'acquisition de cette maison, n'oubliez pas de prendre en compte les 24 000 $ qu'elle vous coûtera annuellement seulement en taxes scolaires et municipales. Mais bon, si vous songez vraiment là, à l'acheter cette maison-là, on a fort à parier que vous avez les moyens de payer les taxes. Les taxes, oui. Allez voir ça. En plus de la fiche immobilière, il y a une vidéo qui présente cette magnifique demeure de MC Mario. Ben oui, vous avez compris. On y va avec ici. BMW dévoile la voiture du futur pour ses 100 ans. Fort d'un siècle d'innovation, le constructeur automobile BMW, qui fêtait ses 100 ans le 7 mars dernier, aurait très bien pu se tourner vers sa riche histoire pour souligner l'événement. Mais la compagnie allemande a plutôt décidé de regarder vers l'avant et d'imaginer l'automobile de demain. C'est ainsi qu'est née la BMW Vision Next 100, donc une voiture concept supra-futuriste dévoilée lundi dans le cadre d'une conférence du groupe BMW à Munich en Allemagne. Bien que sa calandre au distinctif grillage double l'identifie d'entrée de jeu comme une BMW, la Nex 100 ou la Nex 100 est bien surprend par son design audacieux, à commencer par ses fenêtres réflectives qui réduisent les besoins de climatisation tout en offrant plus d'intimité. Et la membrane flexible, oui, conçue par impression 4D qui recouvre entièrement l'arche des roues pour réduire la friction et ainsi améliorer les performances aérodynamiques. Notons également les portes papillons et sans doute un clin d'œil à la célèbre DeLorean de DeLorean de Retour vers le futur. Ben oui, des belles portes papillons. Propulsé entièrement à l'électricité, ce super bolide offre deux modes de conduite, Boost, où vous êtes aux commandes, et Easy, qui vous permet de relaxer en vous laissant conduire. En mode autonome, le volant se rétracte et les fauteuils se tournent légèrement vers le centre afin d'offrir plus de confort. Et comme la Batmobile, la Nex 100 ou la Nex 100 peut même venir vous cueillir toute seule lorsque vous avez à vous déplacer. On reconnaît immédiatement à la marque, bien sûr, cette calandre distinctive. Propose un design très, très audacieux. Les roues sont entièrement recouvertes de matériaux métamorphes qui s'adaptent à leur mouvement. Oui, c'est vrai, là. L'annexe 100 offre deux modes de pilotage, je l'ai dit tantôt. Cette voiture super intelligente est aussi dotée d'un compagnon qui sert à la fois de copilote et d'assistant personnel. Connectant votre véhicule à Internet, aux infrastructures routières et aux autres voitures sur la route, ce compagnon vous fournit des données de conduite essentielles et vous prévient des dangers en temps réel via un système d'affichage HUD superposé à la route sur le pare-brise. Donc, on a vraiment un affichage dans le viseur, dans l'écran, ben pas dans l'écran, mais dans le pare-brise, on l'a dit. C'est comme par rétro-éclairage ou par un système, le Minority Report. Il gère même vos appels, vos rendez-vous et vous tient au courant des dernières nouvelles sur vos médias sociaux. Hein? En guise de tableau de bord, la Nex 100 propose un concept novateur de voyant dynamique baptisé Alive Geometry qui permet de communiquer avec le conducteur de façon plus intuitive, voire même préconsciente. Quelques 800 triangles recouvrent entièrement la surface du tableau de bord et s'activent automatiquement pour vous avertir de dangers ou d'obstacles qui se retrouvent en dehors de votre champ de vision, permettant ainsi un temps de réaction beaucoup plus rapide. De la même manière, des voyants lumineux extérieurs permettent de communiquer avec les piétons, par exemple, pour leur indiquer qu'on leur cède le passage. Exit le traditionnel tableau de bord, les données de conduite sont transmises directement par le pare-brise. Et muni d'un châssis en fibre de carbone recyclé, à la fois plus robuste et plus légère que l'aluminium, la Nex 100 est conçue avec des matériaux recyclables à la fine pointe de la technologie, comme de la fibre intelligente, des fauteuils qui s'adaptent selon votre mode de conduite, donc plus rigide pour la conduite active, plus confortable en mode autonome. Bien entendu, il est impossible de prévoir de quoi aura réellement l'air la voiture du siècle prochain, fort à parier que la Nex 100, tout comme les voitures du futur des années 50 et des années-lumière, est à des années-lumière donc de ce qui attend véritablement l'avenir donc dans le monde de l'automobile. Mais pour l'instant, force est d'admettre que le prototype a de quoi faire rêver. Magnifique voiture, magnifique technologie. Maintenant, 11h46, on va aller en musique avec la formation Dead Obies et Get Sot on Squirk. Hein, c'est l'album, ça. On va aller avec la pièce Waiting. On écoute ça tout de suite dans le Dîner de cons. Stand by, c'est quand tu veux. Just let me get high tant tu peux, man. J'prends mon temps, moi j'suis rendu vieux. Tu t'en crises, well, guess qu'on est rendu dedans. Ha, veux-tu bien? The fuck you mean, j'suis pas d'y aller. Matter of fact, I was born ready. Short stack, off the bar, bread. It could do it all, they heard it. Trois yeux fermés, deux mains dans le dos. When I smoke that dope, why give a shit? I mean, kid, I'm done, y'en show, we can talk money. Check the langage, parce qu'on m'en dirait dans le know. You mon goody, fuck you pay me. Cordialement bon, and I'm out like that. Keep you waiting, baby, you know how it goes. Twist a cigarette when I'm ready for the show. Whoa. Okay. how it go, how it goes. Malika Eco de 0 à 140 km dans un Reno juste pour make it to the show. Then I know, and another egg sur le pouce. J'prends une pause, j'prends une pause. J'pense pas que personne sache ni big for show. I don't think that they know. West on s'en va for show. Pour ça que j'fais yank à ma tête pis que j'envoie chier la moitié de la planète. Talking about me quand j'get sur le stage. Getting high comme la voix à Joe sur les midis pis la bise. Pis si t'attendais un message, j'pense pas que t'es fini de perdre patience. Mais si t'attendais pour l'album, désolé d'avoir fait attendre. I don't mean to keep you waiting, baby, you know how it goes. Twist a cigarette when I'm ready for the show. Mon gars, j'pense j'suis fait pour être sous. Truce, roule ça. Pas si c'est mon gars douce. J'prends du chest pour être pour. J'pense j'suis fait pour juste do it. Tant qu'on me donne en show, tant qu'on me fasse pour. I'm in tant qu'on me donne et tu fuck mon gars. Tant qu'on me trempe et le temps au couple, garde ça pour demain. I'm in tant qu'on me fucking enjoy mon gars. 20-something, rolling the blunt mon gars. Boy, you rock it, call in the sushi. Boy, bear, ready to rumble, Morgan. Throwing with yes, smoke the chest. Yes. Team Bose, team Dozen. Down the lodge, eating cup, the cheetah stoner. Yes, the stage, my wingers, you eat. Vince, you're prêt to party, the beat. Ça, c'est vraiment nice, puis aussi juste l'intensité sur scène, c'est très débile. J'aime vraiment leur intensité. Mais je m'attends genre à tous leurs nouveaux beats, là, puis genre... juste genre de leur énergie, genre les mosh pits, Tony Hawk, les gros beats, là, ils font juste tout. Je m'attends à ce qu'ils me décalissent la face. À chaque fois, c'est fucking insane, le brainy. Puis genre, c'est vraiment des bêtes de scène, là, genre tu veux le beat. Tu vas compter, mais... Wow, la huitième fois. OK, on a un record. On peut jamais savoir à quoi ça va avec des le beat. De l'enregistrement, mais c'est des gens très créatifs, alors... Vous êtes intéressé de les voir en personne? Ouais, même chose, c'est l'intérêt. J'avais un cours de français, vous en avez fait originaux, un peu, là, pour sur la langue française. Okay. Ce qu'ils font. Tiré de leur album Get Satong Squirt, eh bien oui, c'était Dead Obies et la pièce Waiting. Vous êtes toujours dans le dîner de cons et on voit cette belle jeunesse qui tripe sur leur ben. C'est magnifique. Deuxième. Bon. Je t'entends pas, le oui des cidres, là. Donc, c'était ce nouvel album. Hein, tout le monde en parle de cet album. Il est en vente partout, mais déjà, il n'y en a plus nulle part à Trois-Rivières, ou presque. Fait que ça marche très bien pour Dead Obies avec ce nouvel album. On continue dans nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. Eh bien, je vous l'ai dit tantôt, Montréal aura bientôt une nouvelle barcade ou un bar arcade. Eh bien oui, après des semaines de discussion avec la ville, des indices pimentant sa balado-diffusion rétro-nouveau, Dominique Papa-Cassette-Bourette dévoilait cette semaine qu'Arcade Montréal, un espace où il organise des soirées de jeux vidéo rétro, passera officiellement au niveau supérieur en avril. En effet, M. Bourette et ses partenaires ont maintenant des parts au sein de l'Exit, qui est l'ancien bar d'Éric Lapointe. L'emplacement sera donc rebaptisé Arcade Montréal et déjà son offre est particulièrement alléchante. Pour un prix de 5$ à l'entrée, on aura accès au bar ainsi qu'à une imposante collection de jeux vidéo. La collection de M. Bourette, finalement. T'as pu juste aller voir l'Exit. C'est parce que ça s'est appelé un autre nom que ça. Je me rappelle plus c'était quoi, là, mais en tout cas. Maintenant, ça va être un bar à Arcade ou Arcade Montréal, comme si c'était passé. Des événements geeks, allant du concert de l'enregistrement de podcasts devant public jusqu'à la compétition de jeux vidéo, sont également à prévoir au bar à Arcade, Arcade Montréal. La semaine dernière, justement, la semaine dernière, le journaliste s'est entretenu avec M. Bourret dans l'emplacement actuel d'Arcade Montréal pour une entrevue. On vous recommande fortement de visionner cette capsule sur votre téléphone intelligent ou avec votre furteur vous permettant de vous déplacer dans l'image. Donc, c'est une vidéo à 360. On est très techno, donc nouveau bar à Arcade à Montréal. Génial. Bière de session ou bière légère. Hein? Jasez avec des buveurs de Real Ale en Angleterre et vous apprendrez rapidement que pour eux, une bière sous les 4,2 ou 4,3 % d'alcool est une bière dite de session. Une session représente un moment pouvant durer quelques heures, lors duquel il ne vient jamais en tête aux dégustateurs de changer de sorte de bière et le tout en demeurant relativement sobre. Depuis quelques temps en Amérique, nous apercevons le descriptif session de plus en plus souvent sur les étiquettes et les ardoises des brasseries spécialisées aux microbrasseries spécialisées. Même les grands brasseurs commencent à participer à ce qui semble bien plus qu'une mode. Molson nous présentait tout récemment sa nouvelle 67 session IPA. Ridicule. En effet, de plus en plus d'acteurs brassicoles nord-américains se munissent maintenant du sobriquet session afin de transmettre l'idée à leur clientèle qu'une bière ainsi décrite est moins forte en alcool que la moyenne. Cependant, nous ne pouvons pas dire que ce terme est synonyme de légèreté ou de qualité. Comme le définissent les multinationales qui aiment bien faire tout faire en, comme les autres, c'est la mode. Une bière de session peut effectivement être très goûteuse, tout comme une bière à haut taux d'alcool peut avoir un profil de saveur tout à fait délicat. Une bière considérée comme une légère en alcool n'est pas nécessairement légère en saveur. Prenez par exemple le cas de la session IPA. Elle a pour but chez les Américains de proposer un parfum houblonné aussi percutant que celui de la India Pale Ale classique, mais avec moins d'alcool et moins d'amertume. L'amateur donc de houblon en a donc pour son argent tout en pouvant se gâter avec une dégustation même sur l'heure du lunch. Cependant, les brasseurs américains sont souvent friands d'excès et il n'est pas rare de trouver des bières d'appellation session tirant à 5% et plus d'alcool. Faites attention à cette utilisation outrancière du terme à la mode. Sa visée première doit toujours être la buvabilité et un taux d'alcool plus modéré que la moyenne. Ouais, moi, je suis juste tanné, sérieux, des modes en bière. Pour vrai, il y a tellement de sortes de bières, puis c'est le fun d'innover, OK? Mais on n'est pas obligé d'aller dans les modes que tout le monde fait. Tu sais, la mode de l'IPA n'est pas encore finie. Et puis là, c'est la mode session. Puis là, on va rajouter d'autres IPA, puis d'autres plus d'amertume. Je suis un petit peu tanné de cette bataille de bière. Ça m'a un peu tanné du milieu de la bière, dans le sens que avant, on arrivait dans une microbrasserie, on avait peut-être un choix de vingtaine, 14, 15 bières. Ben t'avais de tous les genres. Maintenant, sur 14-15 bières dans une microbrasserie, je peux te garantir qu'il y en a au moins la moitié qui sont extra houblonnés ou des IPA. Ça me fait un peu... Ça me dérange un peu. Tiens, donc, sinon, le saviez-vous, une Real Ale anglaise à laquelle nous faisons référence au début de cet article désigne une bière non filtrée et non pasteurisée qui est gazéifiée naturellement. Elle est la plupart du temps soutirée de son baril, appelée casque via une pompe à main placée sur le bar. Ça, c'est très bien. Et au temps d'une pinte ici, on fait ça d'habitude. En tout cas, on le faisait le jeudi quand les gars venaient me voir. Ils perçaient un casque flasque à tous les jeudis au 5 à 7. Alors, si ça vous intéresse, il y a quelques bières bonnes, des bonnes bières de session. Pas selon moi, mais selon ces journalistes. Il y a la session houblon de chez le Castor à Rigaud, hein, la microbrasserie Le Castor. Le nez, c'est des fruits tropicaux et des herbes. Ben, c'est ça. Hein. Les gens aiment bien ça, le houblon, parce que ça lui donne des saveurs un peu tropicales, malgré une amertume des fois dérangeante. Mais bon, pourquoi c'est bon la session houblon de chez Microbrasserie Le Castor? Eh bien, on dit que la vivacité du houblonnage fruité rafraîchit avant même la première gorgée prise. Ensuite, c'est le corps relativement sec et bien effervescent qui s'occupe du reste du travail. À seulement 4,3% d'alcool et avec un dosage houblonné intelligent, il devient excessivement facile de déguster cette bouteille de 660 ml tout seul comme un grand. Sinon, la Charleston Session IP. C'est au Bilboquet à Saint-Hyacinthe. Le nez, eh bien, au nez, c'est les agrumes et les fruits de la passion. En bouche, elle est soyeuse et bien amère. C'est ce que je disais. Ça m'énerve. Avec autant de parfums à offrir qu'une IPA de force régulière, cette version diminutive à 3,9% d'alcool, c'est de l'eau presque ou du... c'est comme un jus de pomme, à tout pour ravir l'amateur de houblon du Nouveau Monde. Et finalement, je vous présente la Seiglerie des Brasseurs du Monde à Saint-Hyacinthe. Au nez, c'est floral et délicatement caramélisé. En bouche, c'est l'effervescence et elle est relativement sèche. Je déteste les bières sèches. Très facile à boire et imbue d'une personnalité mémorable, cette bière titrant 4% d'alcool incarne les valeurs brassicoles de l'Angleterre, des céréales bien définies et un houblonnage dosé avec subtilité. Parfait pour faire naître le désir d'un deuxième verre sans jamais avoir peur de sombrer dans l'ivresse. Et là, au lieu de vous parler de microbrasserie ou de trucs comme ça, eh bien, je vais vous parler de Pointe-du-Lac, ben oui, qui a désormais, ça fait déjà un mois et demi, deux mois peut-être, on a à Pointe-du-Lac, parce que j'habite là, et je sais bien qu'il y a des gens de Pointe-du-Lac qui nous écoutent en ce moment, eh bien, il y a un nouveau petit marché de la bière génial. C'est situé très, très... Je sais pas le nom, ben, il n'y a pas vraiment de nom, c'est vidéo-jeu, je sais pas quoi, mais pour les habitants de Pointe-du-Lac, vous allez tout de suite reconnaître, puis pour ceux de Trois-Rivières aussi, si vous vous rendez vers le secteur de Pointe-du-Lac, eh bien, vous savez, il est où, le IGA? La petite épicerie Baptiste, Saint-Jean-Baptiste, tout près. Il y a un Jean Coutu, il y a un restaurant Magna Pizza, il y a des cours de yoga dans un genre de petit mini centre d'achat. Eh bien, là, il y avait quelqu'un qui louait des jeux vidéo. Eh bien, désormais, c'est un magasin. Il loue encore des jeux vidéo, il loue encore des DVD et tout ça, pour ceux qui en louent. Là, je ne sais plus qui en loue, mais en tout cas, ils le font encore. Ils se sont spécialisés. Maintenant, ils ont une très, très bonne sélection de bières de microbrasserie. Et les prix, sérieux, battent toute compétition. Ça vaut la peine de ne pas aller n'importe où ici à Trois-Rivières et d'aller acheter à Pointe-du-Lac. Vous allez voir, vous avez des économies à faire. Et puis, des fois, des sortes qui sont trop en demande dans certains magasins à Trois-Rivières. Bien, peut-être qu'eux autres vont les avoir encore à Pointe-du-Lac. Alors, vous direz que vous nous aurez entendu dans le dîner de cons. Je viens de lui faire une super pub. Puis, bien, tant mieux, parce qu'on souhaite juste que les petits coins, hein, parce que Pointe-du-Lac, ça a beau être pogné avec Trois-Rivières, là, ça prend une petite vie de village à Pointe-du-Lac, parce qu'on n'a pas le goût d'aller descendre à Trois-Rivières pour s'acheter une bière ou s'acheter de l'alcool. Déjà qu'on n'a pas de SAQ, bien, au moins, dites-vous qu'à Pointe-du-Lac, désormais, il y a de la bière de micro-brasserie, puis des petits produits du terroir, et puis, ben, c'est pas mal ça. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Alexandrine Pichessir, que voici, avec une chanson thème particulière pour aujourd'hui. Ah, voici ces précieuses découvertes. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. C'est si bon cette chanson-là. Hey, c'est merveilleux comme tout. Moi, Tania, je la connais. Tu l'as quand même par cœur, c'est inquiétant. Ben oui, ben mais en fait, non. La version que j'ai ici, c'est la version karaoké, donc probablement que tu l'as chanté en karaoké à un moment donné, non? Non, même pas. J'ai entendu cette chanson-là dans un film. Dans Sex and the City 2, ma belle. Et voilà, on l'a eu.

votre ronde de policiers. Et si vous êtes pas assez riche, puis si vous êtes trop pauvre, puis si vous avez trop peur de sortir dehors, ben c'est votre problème. Là. Contrôler les gens avec des caméras puis des haut-parleurs, moi je te dis que je les enverrais promener assez souvent. Là, c'est drôle, par exemple, si tu les envoies promener, je suis sûr que là, il y a des policiers qui arrivent. Hein? C'est ça le problème. Le prisonnier sexy Jeremy Meek retrouve sa liberté et est prêt à devenir mannequin. On en a déjà parlé quelques fois ici. Mesdames, messieurs, votre rêve est exaucé. Vous pourriez bientôt revoir votre bad boy favori. C'est le prisonnier Jeremy Meek qui est devenu célèbre après que la police californienne ait diffusé sa photo d'identité judiciaire, ou son mugshot hein, qu'on appelle, sur les réseaux sociaux. Eh bien, il est officiellement libre comme l'air et serait prêt à entreprendre sa carrière de mannequin. C'est que plusieurs admiratrices en chaleur lui ont déjà fait la demande et le beau brun aux yeux clairs n'a pas l'intention de les décevoir. Son agent Jim Jordan a révélé à BuzzFeed qu'il était en contact avec plusieurs agences. Il aurait même des projets de films sur la table. Ben oui, signe de sa grande popularité, des fans l'avaient même imaginé sur des panneaux publicitaires de maisons de couture. Plusieurs détournements ont été faits, entre autres la fausse pub de Calvin Klein avec lui. Calvin Crime, Dolce Gabbana. On a fait plein de photos avec lui, Givenchy, etc. Donc, vous irez voir ça, ça m'intéresse pas. Je vous en ai quand même parlé, hein, c'est ça pareil. Ici, drôle de sujet, pornographie juvénile. C'est un homme de seulement 23 ans qui possédait une vidéothèque révoltante de pornographie juvénile. Jonathan Sylvain détenait près de 300 000 fichiers de pornographie juvénile. Mais moi, je vous le dis, avoir ce jeune homme-là, là, Jonathan Sylvain, 23 ans, je m'excuse, mais c'est lui-même un enfant. Si vous voyez la photo, c'est pas parce qu'il a 23 ans que c'est pas un enfant. Là, et c'est un petit gars, là, le petit jeune. Il doit habiter chez ses parents, il doit connaître rien. Il n'a jamais eu de blonde de sa vie. Renfermé, pas d'amis. Ça donne ce que ça donne. Hein? Un individu donc de 23 ans de Québec qui en avait donc chez lui en possession près de... Ah, de Québec en plus! Sûrement qu'il écoutait Radio de Québec aussi. Près de 300 000... Non, mais là, c'est que ça vient s'ajouter, là, tu sais. Ben, il n'y a rien de drôle, mais c'est... Je trouve ça triste, sérieusement, parce que c'est un petit gars. C'est un petit gars, Jonathan Sylvain, là. Donc, il y avait 300 000 fichiers de pornographie juvénile. Il a plaidé coupable à une série d'accusations pour avoir fait le trafic de ses images. Ben oui. Donc, c'est une véritable vidéothèque de l'horreur que Jonathan Sylvain avait dans son ordinateur lorsque les policiers ont perquisitionné son domicile en avril 2015. Ce n'était pas de la pornographie soft, a indiqué la procureure Geneviève Corriveau au juge. Parmi les milliers de fichiers saisis, près de 2000 vidéos montrant des actes sexuels complets sur des enfants âgés de 2 à 7 ans. OK, non. Ouais, je comprends que c'est un débile pareil, mais effectivement, c'est un dérangé. Pour vrai, il fait pitié quand même. Je suis sûr qu'il n'a jamais passé à l'acte hein, parce qu'il est ben trop... geek, ben trop timide dans sa petite tête, là. 50 000 photos ont été découvertes dans le disque dur de l'homme. À titre d'exemple, une vidéo retrouvée chez Sylvain montrait même une relation sexuelle entre un enfant de 3 ans et un jeune adolescent. Pas moins de 198 images sexuelles de toutes sortes ont aussi été prélevées dans l'ordinateur de l'accusé, une sombre collection qu'il possédait depuis 7 ans, soit depuis qu'il avait environ 16 ans. C'est ce que je disais, hein? Le gars, il a commencé à 16 ans. Il a toujours été allumé par ça, puis c'est un petit enfant qui est resté un petit enfant. Moi, c'est ce que j'imagine en voyant la photo du criminel, finalement. Avouant se sentir coupable de ses gestes, le jeune homme n'avait pris aucune mesure pour protéger son identité pendant la commission de ses délits et disait s'attendre à recevoir la visite des policiers. OK. Il a plaidé coupable aux accusations contre lui et un rapport prétentiel ainsi qu'un rapport sexologique ont été demandés avant de statuer sur la peine qui sera proposée par les deux avocats. Jonathan Sylvain reviendra en cours le 29 juillet prochain. Ben, c'est clair que son analyse socio-sexuelle et sexologique et psychologique, ben, elle va être particulière, moi je peux vous le dire, c'est clair. Clair et net. Ici, des petits commentaires qu'on peut passer quand on voit des personnes âgées s'intéresser aux ordinateurs, s'intéresser aux internets, je l'ai dit entre guillemets, là, parce qu'on est rendu qu'on entend ça même à Radio-Canada, les internets, ça n'existe pas les internets, c'est internet, le réseau internet, c'est la toile au pire ou le web, mais les internets, non, ça n'existe pas. Mais les personnes âgées, eux, ils vont sur les internets et des fois, on peut avoir des petits commentaires en les voyant aller ou en les voyant faire ce qu'ils font. Alors, je vous envoie ici 15 petits trucs comme ça qui peut nous faire sourire hein, du rapport technologie et aînés. Hein? Bien sûr, il faut considérer le fait qu'ils sont qu'ils ont passé la majorité de leur vie sans se servir d'un Mac ou d'un PC. Hein? Ce qui ne nous empêche pas de rigoler un peu devant certaines réactions avec la machine, avec la TV, avec un dactylo en avant. Hein? Premièrement, les personnes âgées souvent vont répondre au spam ou au pourriel. C'est triste, mais ça nous fait sourire. Certaines personnes âgées, ben, ce qui est intéressant, viennent de découvrir à peine, il y a quelques semaines, les têtes à claques, puis ils trouvent ça bien drôle. Hein? Puis ils t'en parlent. Hey, regarde ça, j'ai vu un petit film des têtes à claques, c'est bien drôle. Toute personne de leur entourage est capable de brancher un ordinateur pour eux et considéré comme un expert. Ah oui, ben toi, t'es un informaticien. Ben oui, tu plugues le fil dans l'écran, tu plugues le fil dans le mur, puis t'as juste fait ça à peu près, là. Ils croient qu'il est impossible de consulter leur courriel quand ils ne sont pas à domicile. Ça, sérieux, c'est beau, moi, je trouve. C'est le fun. J'aime ça. C'est beau. Après avoir répété pendant 10 ans, « Bon, j'ai pas besoin de ça, Internet, moi. Si tu veux me rejoindre, t'as juste à m'appeler. » Ben, ils pensent maintenant des heures et des heures devant leur écran à jouer à des petits jeux. Hein? Si le curseur ne va pas où ils veulent, eh bien, la souris en mange toute une ou bien même l'ordinateur complet peut en manger toute une. Ben oui, ça peut arriver avec les personnes âgées. Lorsqu'ils découvrent des images humoristiques sur le web, eh bien, ils deviennent incontrôlables. Ils aiment trop ça, hein, puis ils partagent à tout le monde. Ils impriment leurs messages importants. Ça, c'est drôle aussi. Quand un document est minimisé dans le bas de l'écran, ils croient qu'il a disparu. Mais là, il est plus là, je l'ai fermé. Non, il est juste en bas, là. Ils paniquent quand s'ouvre un pop-up en croyant que c'est une invasion d'un quelconque virus informatique ou d'une attaque d'Anonymous, hein? Même s'ils savent même pas c'est quoi Anonymous, là. Ils écrivent leur message au complet dans l'espace objet d'un courriel. Effectivement, ça peut arriver. Ils ont parfois 23 fenêtres ouvertes en même temps sans savoir comment c'est arrivé, puis ils trouvent que leur ordinateur, il est lent, hein? Ils trouvent qu'il va pas vite. Comment ça se fait? Il marche pas bien. L'imprimante peut peut-être être branchée là où devraient être les haut-parleurs et vice-versa, même si la plug ne fit pas. Eux, ils se sont organisés pour le brancher là parce que c'était là qu'ils pensaient que ça se branchait. Ils croient qu'ils peuvent vraiment aider un riche héritier du Burkina Faso à encaisser son héritage ainsi que sa succession. Hein? Et ils tapent Google dans Google pour trouver Google. Génial, on aime ça, ça fait rire. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est pas rire des personnes âgées, moi je trouve ça beau. C'est beau cette innocence-là devant la technologie, puis ils veulent quand même s'y mettre. Fait que ça, pourquoi qu'on chialerait de ça? C'est magnifique. À Paris, un homme jette un Vélib. Si vous avez mis un Vélib, là, c'est un Bixi sur deux femmes dans les escalators du métro. Ça s'est passé samedi le 27 février 2016, aux environs de 7h du matin. Deux femmes s'apprêtaient à sortir du métro Gare de Lyon lorsqu'elles ont évité de justesse un Vélib. Sans raison, un homme a jeté le vélo de 22 kg sur les deux passagères du haut d'un escalator. Par chance, il a rebondi et n'a touché que légèrement l'une des deux femmes. La blessant à l'épaule, l'agresseur, lui, a pris la fuite. Loser. De superbes aurores boréales captées par une caméra de vidéosurveillance. Un spectacle incomparable et inoubliable à voir au moins une fois dans sa vie, mais en vrai, pas sur une caméra de vidéosurveillance. Et puis, c'est pas dur de voir des aurores boréales, hein? Rendez-vous sur Aurora Forecast. Ça, c'est moi qui vous en parle, là. C'est pas l'article. Aurora Forecast, vous allez voir, c'est comme un peu la météo des aurores boréales et ça vous dit jusqu'où vous allez les voir. Alors, il n'y a aucune chance de ne jamais... Il n'y a aucune défaite, il n'y a aucune... aucune excuse, c'est ce que je cherchais pour dire que j'ai jamais vu d'aurore boréale. Mais c'est parce que tu veux pas en voir. Dans la nuit du 6 mars 2016, une caméra de vidéosurveillance a filmé de splendides aurores boréales dansées dans le ciel de Bergen en Norvège. Provoquée par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et de la haute atmosphère, ce phénomène lumineux imprévisible ne cesse de nous émerveiller depuis des millénaires. Et puis j'espère que ça ne nous cessera jamais de nous émerveiller parce que c'est superbe. La beauté, c'est ce qui nous fait être heureux. C'est ce qui nous fait... Ça guérit les gens, la beauté. Je sais pas si vous le saviez, mais ça fait du bien, la beauté. C'est ça que ça sert. À Lyon, un plaquage musclé d'un manifestant par un policier, c'est à voir en vidéo. Ça s'est passé mercredi, donc hier, lors de la manifestation contre le projet de loi travail. Un manifestant lyonnais a violemment été plaqué au sol par un CRS. La scène s'est déroulée en fin d'après-midi, place Bellancourt, et des échauffourées ont éclaté entre les policiers et les manifestants. Vous allez voir qu'il n'y a pas juste au Québec que les policiers sont malades dans la tête quand il y a des histoires de manifestations. C'est complètement des imbéciles. Carrément. Ivre et au téléphone, elle percute et abîme 17 voitures. Aïe aïe. Et là-dedans, on ignore même si sa voiture fait partie des 17. Hein. Son record sera sans doute difficile à battre. Le 23 février dernier, Aliona Mikhailenko, 26 ans, a réussi à détériorer 17 voitures en seulement quelques minutes sur un parking de Krasnodar dans le sud de la Russie. Tout cela en étant saoul et en plus au téléphone. Sur la vidéo filmée par un témoin, des passants assistent impuissants aux manœuvres catastrophiques de la jeune femme. Lorsque l'un d'entre eux tente d'engager la conversation avec elle, il reçoit un beau doigt d'honneur en guise de réponse. C'est finalement le propriétaire de l'une des voitures accidentées qui la fera sortir de son véhicule, puis avec l'aide d'autres personnes lésées, l'empêchera de s'enfuir avant l'arrivée de la police. L'alcotest pratiqué sur Aliona révélera que son taux d'alcool dans le sang était 6 fois supérieur à la limite autorisée en Russie. Puis imaginez, la limite autorisée en Russie, elle doit être quand même assez haute. Je dis ça juste de même. Je sais pas pourquoi j'ai un petit préjugé là-dessus. Son permis de conduire lui a été retiré pour les 8 prochaines années, sans doute là aussi un record. La fautive a été condamnée à une amende de plus de 30 000 roubles, ce qui représente la somme ridicule de 385 euros. Mais elle sera certainement poursuivie par les propriétaires des véhicules endommagés et à terme, l'addition pourrait être beaucoup plus élevée. Je le souhaite. Un musicien de rue devient célèbre après avoir assommé un assaillant palestinien. OK. Un jeune musicien canado-israélien est devenu une célébrité en Israël après avoir fracassé sa guitare sur la tête d'un Palestinien qui a attaqué mardi plusieurs personnes à Tel Aviv. Mishai Montgomery, 26 ans, est à présent connu comme le Guitar Hero dans les médias et sur les réseaux sociaux. Abasourdi par sa gloire naissante, il est assailli de demandes d'interview et a reçu même une guitare de la star israélienne de la chanson Aviv Geffen et bénéficie d'une levée de fonds de 5 000 $ sur Internet. Il jouait donc mardi de son instrument sur la promenade de Jaffa, quartier hyper touristique de Tel Aviv, quand il a vu un homme agresser plusieurs passants au couteau. Pendant un instant, je n'ai pas compris que ce que je voyais était réel. C'est ce qu'il a ajouté à l'agence France Presse, qu'il a dit donc à l'agence France Presse. Et M. Montgomery, qui se retrouvait ainsi au milieu d'une innombrable attaque commise au couteau par des Palestiniens contre des Israéliens depuis 5 mois. Il a donc repris ses esprits quand l'agresseur s'est dirigé vers lui et lui a asséné un coup violent de guitare sur la tête, sonnant momentanément son agresseur. Puis, il a couru après, armé de son instrument brisé en criant « terroriste » jusqu'à ce que le Palestinien soit abattu par des policiers. Félicitations! Un touriste américain est mort et une douzaine de personnes ont été blessées dans l'attaque du Palestinien. Depuis mardi, je passe d'une interview à une autre. Mon téléphone n'arrête pas de sonner et je ne sais plus où donner de la tête, explique ce jeune homme en jeans à la barbe noire et aux cheveux tirés en arrière. À certains moments, le garçon un peu bohème qui semble surtout jouer dans la rue par plaisir regrette le calme de son village proche d'Askeléon dans le sud. Un sentiment vite dissipé par les offres d'enregistrement qu'il dit avoir reçues et qui pourrait donner un coup de pouce à sa carrière. Au point mort depuis qu'il est rentré en janvier du Canada où il a vécu de petits boulots pendant 3 ans. Je n'ai pas de projet définitif. Je suis ouvert à tous les changements et à toutes les propositions. Je suis un gadget. Demain, tout le monde m'aura oublié, ajoute-t-il cependant. Mais ça m'est égal, j'adore les guitares et on m'en a déjà donné 4. Ben, je pense que ça va bien pour lui, puis je pense que sa carrière va décoller parce que désormais, il faut que tu passes par un buzz sur Internet pour devenir une vedette. C'est triste de même. Mais en tout cas, c'est pas triste ce qui est arrivé. C'est un très, très beau geste, mais c'est de même. Sur ce, il est midi 18. On s'en va en musique avec... The Shade de la formation Metric. On écoute ça tout de suite dans Dîner de cons. Je reste avec vous jusqu'à 13h. Restez là. Baby, there's no better. The Shade par la formation Metric qui désormais habite à Montréal et c'est pour notre plus grand des bonheurs. Ben oui, vous êtes toujours dans Dîner de con avec Danny Janvier et on continue dans nos nouvelles tout à fait insolites et inutiles. Une passagère d'Air France a caché une fillette dans son bagage à main. Championne, bravo! Des accusations ne seront pas déposées après qu'une passagère... Hein? Des accusations ne seront pas déposées après qu'une passagère ait caché une fillette de 4 ans dans un bagage à main sur un vol d'Istanbul à Paris de la compagnie Air France. Particulier quand même qu'il n'y ait aucune accusation, mais en tout cas. La femme a été arrêtée à l'aéroport Charles de Gaulle lundi parce qu'elle aurait caché une jeune haïtienne qu'elle était en voie d'adopter dans un sac placé à ses pieds durant le vol. Une source a déclaré à l'agence de presse que la femme s'était vue refuser l'accès à un vol après avoir passé le point de contrôle de sécurité avec l'enfant. Elle a ensuite pris un autre avion avec la fillette dans son sac. Le sac a été placé au sol avec une couverture sur le dessus. L'enfant a eu envie à un certain point d'aller aux toilettes. Un autre passager éventuellement remarqué quelque chose bougeait dans le sac. La femme et l'enfant ont été placés à l'avant de l'avion. Les autres passagers n'ont pas été avertis de la situation via le système audio de l'engin. La femme ne fera pas face à la justice, selon l'agence France-Presse. Elle et la petite étaient encore à l'aéroport en date de mercredi, les autorités poursuivant leur enquête. L'enfant est en forme. Dans un communiqué envoyé à Mashable, Air France a dit qu'elle allait coopérer à l'enquête en cours avec les autorités compétentes. OK, je ne sais pas, mais bon, bizarre ici. J.J. Abrams avoue qu'il y a une erreur dans le réveil de la force. Le réalisateur J.J. Abrams vient d'avouer au site Slash Film une erreur qu'il aurait préféré ne pas commettre dans le dernier opus sorti en salle de Star Wars, le réveil de la force. Autant apprécié par la critique que par les femmes, ce nouvel épisode de Star Wars, qui a eu un succès énorme au box-office, a pourtant un petit détail qui ne va pas. Eh bien oui, J.J. Abrams a expliqué que la scène où Chewbacca et Rey rentrent de mission après la mort de Han Solo, eh bien, il aurait été plus logique que Leia enlace Chewbacca avec qui elle est amie depuis plus de 30 ans plutôt que de se retourner vers Rey qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Effectivement, c'était probablement une de mes erreurs dans ce film. Si Chewbacca ne s'était pas trouvé là où il se trouvait, vous auriez probablement même pas pensé à ça. Mais juste parce qu'il était là, passant devant Leia, ça a été perçu comme un affront, ce qui n'est absolument pas voulu, avoue le réalisateur. Mais c'est une énorme bourde, par exemple. On l'a pas remarqué nécessairement, mais c'est tout à fait vrai. Elle connaît même pas Rey. Ça fait des années qu'elle se promène au travers les galaxies avec Chewbacca, puis elle l'ignore complètement. Donc, en effet, au lieu de prendre Chewbacca dans ses bras en plein moment d'émotion, alors qu'il passe juste devant elle, Leia serre Rey dans ses bras, un geste perçu comme une véritable incohérence de la réalisation par les fans les plus assidus. Et les fans ont tout à fait raison. C'est probablement l'une des erreurs que j'ai commises ici. Mon raisonnement était que Chewbacca, malgré la douleur qu'il ressentait, était concentré sur le fait de sauver Finn et de lui prodiguer des soins. Donc, j'ai essayé de faire en sorte que Chewbacca parte avec lui et de me concentrer sur Rey, qu'elle trouve Leia et que Leia la trouve. L'idée est que ces deux-là, qui sont puissantes dans la force et qui ne se sont jamais rencontrées, se connaissent. Leia a déjà été informée de l'existence de Rey hors écran et Rey, bien sûr, a déjà entendu parler de Leia. Ce face-à-face serait donc à la fois une rencontre et une réunion, ainsi qu'une sorte de communion autour de leur perte mutuelle, tente de se défendre le réalisateur. Eh ben oui, allez voir ça, et puis c'est tellement vrai qu'on ne l'avait pas remarqué. Et si Apple n'avait pas lancé iPhone, mais plutôt Borat? Donc, Sacha Baron Cohen l'a imaginé. OK. Donc, et si Apple avait lancé non pas son iPhone, mais le Borat? Eh bien, c'est ce qu'a imaginé Sacha Baron Cohen pour faire la promotion de son nouveau film, Gimsy, agent trop spécial, dont la sortie en salle est prévue le 13 avril prochain. Alors, comme le montre la vidéo au-dessus de cet article, le fantasque acteur britannique a parodié les keynotes d'Apple pour présenter son tout nouveau produit, le Nobi. Ben oui, qui est en fait le surnom de son personnage dans le long métrage. En reprenant les codes de la marque de la pomme et les produits haut de gamme, eh bien, Sacha Baron Cohen présente son héros franchouillard, qui est 12% plus sympathique que Borat, 15% plus idiot que Ali G, et ses anciens produits pour un résultat final qu'il faut avouer est très drôle. Le film de Sacha Baron Cohen, Gimsy, agent trop spécial, raconte comment un Anglais aux idées franchement étroites est pris pour un espion en essayant de renouer avec son frère, qui est le vrai espions de l'histoire. Allez voir ça, bien sympathique et toujours aussi irrévérencieux de la part de Sacha Baron Cohen, mais toujours tout aussi, toujours original par contre. Tiens, peut-être un truc à découvrir. Je vous envoie ça avant d'aller en pause publicitaire. Découvrir l'absinthe, ce spiritueux qui pique la curiosité. Si vous ne connaissez pas l'absinthe, eh bien, shame on you. Ben non, mais quand même, à moins que vous ayez 15 ans, là. Mais sérieux, l'absinthe, c'est à connaître. Hein? Son nom évoque bon nombre de légendes et beaucoup de curiosités. Peu connu au Québec, l'absinthe est pourtant sur toutes les lèvres cette année. C'est les modes, ça m'énerve, sérieux, les modes. La meilleure façon d'être pas à la mode, c'est de la suivre, hein, saviez-vous? Devenu du coup le plus tendance des spiritueux, le bistrot L'Atelier sur Grande Allée à Québec propose depuis un mois sa propre absinthe de la maison qui a été élaborée en France. Le mixologue en chef du bar, Patrice Plante, nous décrypte cet intrigant spiritueux. Côté bar, eh bien, l'amertume est certainement, a certainement la cote cette année et l'absinthe s'inscrit dans ce courant. Pas tellement. C'est pas si... amère que ça, l'absinthe. En tout cas, devançant la tendance, le bistrot a donc lancé sa propre bouteille d'absinthe un mois après avoir lancé une vodka portant le sceau de la maison. Élaborée en France par le célèbre distillerie, le fils d'Émilie Pernaud, qui en produit depuis la fin du 19e siècle, l'absinthe atelier hein, est fabriqué à base de plantes traditionnelles dont l'anis vert et le fenouil. Appelé la fée verte, le spiritueux se consomme sur place en suivant le rituel des puristes, soit une fontaine d'eau glacée qui dissout goutte à goutte un cube de sucre installé sur une cuillère percée, laquelle est déposée sur un verre d'alcool. Cela n'a rien de mystérieux, d'hallucinogène ou de controversé, insiste Patrice Plante. L'absinthe est un spiritueux aux arômes complexes qui gagne à être dégusté tranquillement en apéritif. Moi, je l'aime bien aussi en digestif, tout à fait. Pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est à essayer. Donc, 6 conseils pour déguster l'absinthe. Premièrement, au froid, au bistrot L'Atelier, comme dans les autres établissements, la fontaine à absinthe fait partie du rituel. À la maison, on remplace cette fontaine par un pichet d'eau glacée. Pour s'assurer que le liquide reste froid, on peut aussi déposer des verres au congélateur avant de les utiliser. Diluer pour mieux goûter, pas de shooter ni de cul sec avec l'absinthe. Non, on n'est pas là, hein? C'est ce qu'insiste justement Patrice Plante. Pour bien décortiquer tous ces arômes, le spiritueux se dilue dans une eau glacée de 3 à 7 volumes d'eau, oui, pour un volume d'absinthe. Moi, j'y vais plutôt avec 3 volumes d'eau environ pour un volume d'absinthe. Et donc, avec ou sans sucre, eh bien, avec un cube de sucre, c'est absolument essentiel pour ma part. Le mixologue aussi répond que lui aussi, ça se prend avec un cube de sucre. Et moi, je vous dis, prenez pas les cubes de sucre blanc. Prenez les cubes de sucre brun. C'est du sucre de canne en morceaux. C'est comme un peu tout égal, là. C'est pas un beau cube carré, là. C'est vraiment le sucre que je trouve à utiliser pour l'absinthe. Ça lui donne un petit côté un peu plus caramélisé que le sucre blanc plate, on le dit. À la maison, on peut remplacer le cube de sucre par un peu de sirop simple. Avec l'habitude, on diminuera graduellement la quantité de sucre pour mieux goûter l'absinthe, ajoute l'expert. Sinon, à l'apéro, eh bien, quand boire l'absinthe, lui, il dit à l'apéro, bien sûr, comme le veut la tradition française, ce spiritueux anisé met en appétit, sans oublier son rituel à la fontaine, goutte à goutte, qui permet de prendre une pause dans sa journée. Effectivement, très, très bien, mais moi, j'aime ça des fois pour digérer après avoir... Parce que j'aime en apéro, j'aime prendre le vin. En préparant le souper, j'aime ça prendre du vin. Et puis à la fin, je trouve que ça digère bien le petit côté sucré, le petit côté un peu... Trou normand, même si on se fait pas un shooter, quand même, moi je trouve que c'est bon aussi comme digestif. Mais bon, eux nous conseillent à l'apéro. En parfaite harmonie, donc, quoi manger avec un verre d'absinthe? Eh bien, des huîtres. C'est d'ailleurs ce que propose l'atelier. À sa cliente durant son 5 à 8, ou hein, 5 à 7, 5 à 8, l'absinthe s'harmonise également avec les fruits de mer et les fromages à pâte molle. Alors prenez des notes. Vous préférez les cocktails? Eh bien, l'absinthe se déguste également aromatisé et mixé à d'autres saveurs. 3 cocktails sont proposés à l'atelier. La Grégoire, qui se veut un mojito en version anisée et agrumée. Peut-être. Le Death in Afternoon, qui est un cocktail apéritif vivifiant inspiré par Ernest Hemingway en 1935. Et finalement, le Sazerac, qui est l'un des plus vieux cocktails inventés aux États-Unis, originaire de la Nouvelle-Zélande. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez lecifou.ca. comme à chaque semaine, on accueille Jimmy Thibodeau pour sa chronique C'est dans le monde que ça se passe. Bonjour Jimmy. Bonjour. Hey, ça va? Ben oui, ça va bien, merci. Oui, on a l'air de parler de choses fausses aujourd'hui selon le livre que tu tiens en main. Ben effectivement. Mais est-ce que ça va bien pour vrai? On se le demande. Ben en fait, là, je vais vous parler d'un sujet qui est un peu tombé à plat ces jours-ci, c'est le terrorisme. Ah. Parce qu'on bon, n'en parle plus beaucoup, mais bon, moi j'en reparle. Déboulonner l'idée que le terrorisme au Moyen-Orient, en tout cas, parce qu'il y a différentes formes de terrorisme. Le terrorisme, ça n'existe pas que depuis Al-Qaïda et autres. Là. Ça existe depuis bien plus longtemps que ça. Mais enfin, bref, ce que je veux essayer de déboulonner, c'est le fait que c'est l'idée reçue qu'on se fait à l'effet que l'État islamique ou Al-Qaïda, ben s'ils font tout ça, c'est à cause d'un aveuglement religieux pur et borné. C'est pis, pas juste ça ou c'est pas ça du tout? C'est pas ça du tout. Oh, c'est la question. Vous allez voir. En fait, on pense que c'est l'islam. C'est à cause que c'est l'islam un peu qui a, si je peux dire, permis ça, ce courant-là. Il y a certaines personnes qui pensent ça. Ils disent il y a des branches de l'islam qui ont un problème avec la modernité, puis il faut réformer ça. À quoi, c'est ça qui nous donne les terroristes qu'on a. Mais non! Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Okay. C'est une grosse idée reçue qu'on se fait depuis, ma foi, 2001 et bien avant. C'est plus facile de continuer de penser ce qu'on pense déjà. Tout à fait. Ce qu'on se fait dire de penser. Alors, je vais aller dans le sens complètement inverse de ce qu'on dit et je vais défendre l'idée que, en fait, les terroristes, la plupart du temps, ils sont non pratiquants. En fait, ils connaissent pas grand-chose à l'islam. Et c'est même des gens qui sont tout sauf des bons musulmans, mettons. OK. En fait, puis je dis ça, mais c'est ce que beaucoup d'experts disent, là. Par exemple, Scott Atran, qui est un Britannique qui a étudié la question, lui dit « La plupart des terroristes ne sont pas motivés par la religion et ne sont pas non plus des pratiquants assidus ou réguliers de toute façon. » Et ça, en fait, c'est assez facile à prouver. Là, j'ai plein de potins à vous donner. Oh. Ça va être croustillant. Ouais, en fait, on va commencer par les attentats de Paris de novembre dernier. En fait, quatre d'entre eux, c'était assez flagrant, là, leur absence de dévouement à la religion. Ouais. Parlons, par exemple, de deux des frères qui ont fait les attentats. Avant de faire les actes en question, ben ils ont vendu leur bar en Belgique. Ah, bon. Ouais, il y avait un bar. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. On s'entend. Ils sont pas supposés boire d'alcool, j'imagine, c'est ce que tu es en train de me dire? Ben, en fait, ça doit pas même toucher à ça, en fait. Ouais, là. Okay. C'est. Ben, en fait, si je. Quand t'es, je sais pas, moi, si t'es un musulman, disons, radicalisé, en gros guillemets, tu vas pas être gérant de bar quand même. Ouais, c'est ça qu'on se comprend. Ta vie va être dédiée à faire ce que t'as à faire pour aller pour gagner ton ciel ou peu importe. Là, puis elle va pas être dédiée en tout cas à vendre de l'alcool que tu trouves déjà de toute façon interdit puis que les gens devraient pas boire selon toi. Ok, là. Je comprends. Donc, tu vois. Il y en avait un autre des terroristes qui, selon son ex-femme, fumait un nombre alarmant de joints. Ah bon, OK. Ou encore une autre femme qui, elle, avant de se faire arrêter par la police, ben en fait, c'était une des cerveaux de l'affaire, là. Avant de se faire arrêter par la police, elle s'est fait exploser dans son appartement. Et elle, par contre, elle était connue pour ses aventures nombreuses avec d'autres hommes, ses excès d'alcool ou de drogue et sa méconnaissance totale du Coran ou son désintérêt pour l'islam. Ouais. Alors, pas très, très pratiquant ni même croyant, je le sais pas. Les terroristes de Charlie Hebdo, même chose. En fait, un des frères était reconnu pour adorer les parties, la drogue, le rap, l'alcool, et ne savait pas faire la différence entre le catholicisme et l'islam, selon ses amis. Wow! Mm-hmm. On avait aussi deux Britanniques qui sont allés faire le djihad au Moyen-Orient, en Syrie, je pense, et on les a arrêtés. Avant qu'ils aillent là-bas faire se radicaliser. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans leur sac avant de partir? Qu'est-ce qu'ils ont acheté chez Amazon? La drogue, non. L'islam et le Coran pour les nuls. Ah, bon. Mm-hmm. Pas de drogue sur Amazon, t'as dit. Bon, on sait jamais. On sait jamais. Fait que c'est pas le Coran, c'est pas certains versets de Mahomet ou quoi que ce soit, mais non, c'est le Coran ou l'islam pour les nuls, comme quoi nos terroristes connaissent très bien leur religion. Les terroristes du 11 septembre, ben en fait, eux autres, ils étaient Il avait été vu plusieurs fois avant les actes commis dans des bars de danseuses. Yeah. Et à boire et on les voyait aussi boire de l'alcool. Mm-hmm. Bon. Et dans le groupe État islamique, c'est la même chose, là. En fait, le groupe est accusé de plusieurs fois. Il a été vu même donner de la cocaïne à ses membres avant de faire soit des actes de guerre ou des crimes, etc. Puis on sait aussi que l'État islamique prend des femmes en esclavage pour les exploiter sexuellement. Donc, encore là, encore une fois, côté pratique religieuse, on repassera. Et en fait, juste une autre anecdote, une dernière, je vais finir avec ça. Il y a même un Français journaliste qui s'appelle Nicolas Henin qui a été pris en otage par l'État islamique plusieurs mois, même un an. Lui, ce qui l'a frappé, c'était pas tant la ferveur religieuse des terroristes, mais plutôt leur stupidité. Ah, OK. Ouais. Il disait « Je les trouvais plus stupides que méchants, en fait. » C'est ça qu'il a dit. Mais bon, ceci étant dit, il faut pas aller trop dans les clichés non plus. Je sais pas trop pour l'État islamique en tant que tel, je pourrais pas trop me prononcer, mais pour ce qui est d'autres groupes terroristes du Moyen-Orient, par exemple Al-Qaïda, c'est sûr que c'est pas, ils sont pas, c'est pas le même portrait tout à fait là. Ils sont pas tous stupides là. Et puis, en fait, même dans l'État islamique, il y a des gens qui croient fermement à la religion là. Il faut le dire, il y a des gens qui font ça parce que c'est, selon eux, c'est Dieu qui leur commande de faire ça. Et c'est sûr qu'il y en a, mais la plupart, ce n'est pas le cas. Puis pour Al-Qaïda, par exemple, on se rend compte que il faut pas. Dans le fond, il ne faut pas faire de généralisation. S'il y a des gens qui trouvent que les gens, les terroristes de l'État islamique sont stupides ou sont tout le temps sur le party, ben ça ne veut pas dire qu'ils sont tous vraiment littéralement stupides ou ils sont issus de milieux pauvres et tout. Parce qu'en fait, quand on regarde les chiffres aussi, on se rend compte que si les gens ne sont pas très pratiquants dans les branches du terrorisme, en même temps, plusieurs d'entre eux ont des parcours universitaires. Et plusieurs d'entre eux sont issus de familles riches. Là, par exemple, la famille Ben Laden, qui est une des familles les plus riches d'Arabie Saoudite. Ça, il faut s'en rendre compte. En fait, même pour ceux qui ont planifié les attentats du 11 septembre, avaient des parcours universitaires. Il y en avait un qui était ingénieur. Et même l'actuel dirigeant d'Al-Qaïda, c'est quelqu'un qui a fait des études universitaires en médecine. Donc, ça vous donne une idée. En fait, donc, c'est ça. C'est pas tous des épais non plus, même si c'est effectivement épais d'entrer dans le terrorisme, mais quand même, sont pas des illettrés. Mais on dit souvent que la folie frôle le génie, hein? Oh. Ah, je sais pas si je vais aller, aller jusque-là. Non. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui motive les terroristes dans ce cas-là? Si les gens sont ni pauvres, donc c'est pas une guerre de classe, s'ils ont une éducation et si en plus ils ne sont pas tant religieux finalement, s'ils sont pas aussi religieux qu'on le croit, qu'est-ce qui motive le terrorisme, pardon? Ben, en fait, c'est une motivation très, très politique. Ça, il faut s'en rendre compte. On peut juste regarder la déclaration du djihad, ça, c'est une sorte de manifeste qu'Al-Qaïda avait sorti là, quand il s'est formé. Et on se rend compte que c'est extrêmement politique, en fait. Il n'y a pas vraiment de mention de la religion, sinon indirectement. Ce qu'on se rend compte, c'est que c'est surtout une opposition, en fait, au régime saoudien, entre autres, parce que la plupart des terroristes, pas la plupart, mais beaucoup de terroristes d'Al-Qaïda viennent d'Arabie Saoudite. On se rend compte qu'ils sont très, très en colère contre, entre autres, la corruption, entre guillemets, du régime saoudien qui vend du pétrole à l'Occident et aux États-Unis, qui enrichit juste les plus fortunés du pays et qui ne redistribue pas à la population saoudienne. Et puis, en plus, non seulement ça, mais cette collusion-là entre l'Arabie saoudite et l'Occident, ça irrite beaucoup de musulmans là-bas. Quand on pense, par exemple, que l'Occident, depuis... soutient des dictatures. Par exemple, Kadhafi en Libye, on les soutenait avant. Même chose pour Israël, qui occupe la Palestine depuis l'après-guerre, dans le fond. Donc, c'est sûr que ça peut irriter beaucoup de personnes. Puis c'est vraiment... à l'époque, en tout cas, pour l'État islamique, ça a peut-être changé un peu. Quoi qu'on va y revenir, là. Mais le terrorisme, c'est beaucoup vu comme un acte défensif contre, contre l'Occident en général. Parce que quand on regarde en fait le portrait du monde arabe, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de colonisation et après de décolonisation qui ont mené à des dictatures. Bon, on a Israël aussi. En fait, on voit aussi d'autres pays en dans le monde arabe où l'occidentalisation est assez importante. Là. On fait juste voir les centres commerciaux qui poussent comme des champignons. Là. Mm. Puis ça devient assez... c'est quelque chose. Et aussi, on voit d'autres guerres comme la guerre du Golfe, la guerre d'Irak, où l'Occident se mêle des conflits arabes. Et tout ça donne une impression d'invasion pour plusieurs d'entre eux. Et c'est ça qui a amené, entre autres, aux réactions terroristes. Donc, il faut se rendre compte que le terrorisme, dans le fond, c'est plutôt une sorte de repli identitaire. C'est une sorte de réponse. C'est une sorte de défense, si on veut. C'est sûr que ça reste pas légitime nécessairement, mais il faut le voir comme ça si on veut comprendre le terrorisme. Et c'est sûr que quand on regarde ça, ça ne peut pas être autre chose que défensif vraiment, parce que le terrorisme en tant que tel, c'est toujours quelque chose de défensif. Quand on regarde dans l'histoire, si on regarde par exemple les autres groupes qu'il y avait autrefois, ce qu'on a, c'est souvent des partis d'extrême gauche qui font des actes terroristes en Europe, par exemple, le FLQ au Québec, ou encore l'IRA en Irlande, des Irlandais qui voulaient que l'Angleterre sorte foutre leur camp de leur territoire. La plupart du temps, des terroristes, c'est des gens qui ont pas beaucoup de moyens et qui savent pas faire la guerre autrement que par une guérilla et par la culture de la peur, finalement. Donc, c'est le moyen qu'ils ont. Cela dit, bon, il n'y a rien de légitime à faire ce qu'ils font, évidemment. Mais quand même, il faut voir ça sous cet angle-là. Puis pour l'État islamique, bon, j'y reviens, c'est un peu semblable. C'est sûr c'est différent parce que l'État islamique est aussi une sorte d'armée. Il occupe un territoire, mais en même temps, ils sont aussi issus de cette branche terroriste-là qui veut se défendre de l'Occident, entre guillemets. Ils viennent de l'Irak, ça c'est un signe vraiment évident parce que les États-Unis, on le sait, ont occupé l'Irak longtemps et puis il y a une très mauvaise perception des États-Unis. Donc c'est sûr que l'Occident est un peu responsable de ce qui se passe, si on veut. Mais maintenant, c'est quoi la solution? En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que d'un côté, il y a la haine de l'Occident, puis d'un autre côté, t'as la haine des terroristes et des autres, et de tout le monde. Là. Donc c'est une haine qui est comme bidirectionnelle entre tout le monde, et on peut pas être surpris du fait que certaines personnes dans nos communautés deviennent radicalisées et veuillent aller combattre, même si c'est extrêmement rarissime, mais ça arrive plus souvent en Europe, par contre. Donc, faut pas se surprendre de ça, parce que c'est sûr que si on entretient cette haine-là, quels effets ça a sur notre population, par exemple, arabe ici? C'est sûr que ça fait un sentiment d'exclusion, et ça nourrit un petit peu ce désir de repli identitaire, de repli sur soi. Alors, la solution, vraiment, c'est de pas jouer le jeu du terrorisme et de ne pas nourrir la haine, parce que la haine entre les peuples, c'est ce qui, en l'heure actuelle, c'est ce qui nourrit l'État islamique, c'est ce qui fait que l'État islamique recrute du monde. Et il faut faire très attention avec ça, il faut pas jouer leur jeu. Voilà. Une petite solution à la fin, c'est cute, ben, ça. C'est du pain, n'est-ce pas? We are the world, we are the people. Ouais, c'est ça. Ça écrit comme une espèce de nouvelle ère de racisme, en quelque ouais. sorte. Oui, exactement. Tout à fait. Non, mais on peut parler de racisme dans ce cas-là, tout à fait. Ouais. Eh bien, une chronique sur les choses qui se passent ailleurs dans le monde, c'est ce qu'on aime. C'est ce qui était prévu, c'est ce qui était prévu. C'est dans le monde que ça se passe, c'est dans le titre. Fait qu'à un moment donné, on ne s'attend pas à autre chose. Et voilà. On va te retrouver pour un autre sujet aussi chaud que ça, même si là, tu dis qu'on en parle moins de terrorisme, mais moi, je trouve qu'on en parle autant. Bon. C'est quand même un sujet chaud, même à l'heure actuelle. Là, même si une petite accalmie, ça reste un sujet chaud. C'est ça. Ouais. C'est pas un creux. C'est juste un petit peu moins bas, un petit peu moins haut que d'habitude. Ouais. Mais dès qu'il y a une occasion d'en parler, on en parle. Ça, c'est voilà. Clair. Et voilà, et on blâme peut-être pas les bonnes choses, comme tu l'as dit. Voilà. Donc, Jimmy Thibodeau, on te retrouve la semaine prochaine. C'est les mardis à 8h pour notre collègue de C'est dans le monde que ça se passe. Merci encore. Merci, au revoir. Maintenant, on écoute les amis au Pakistan tant qu'elle est à l'international. Uh-huh. Voici Mumph au 89 FM. C'est fou. Tu l'as dit, c'est tellement weird. Les amis au Pakistan et Mumph. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Replongeons dans le dîner de cons. Un certain midi cette semaine. Pourquoi parle-t-on d'une aubaine? D'où ça vient ça, le mot « aubaine »? Quand on flaire une bonne affaire, hein, inattendue, hein, quand une bonne affaire se présente, donc une chance qu'il faut saisir, on parle souvent d'une aubaine. Donc c'est un terme qui est né au cours du Moyen-Âge, à une époque où on faisait référence à un droit féodal. C'était le droit d'aubaine. OK. Ce dernier permettait donc à un seigneur de prendre possession des biens d'un aubain, c'est-à-dire d'un étranger non naturalisé qui trouvait la mort sur ses terres. Il pouvait s'agir de quelques effets personnels, de vivres, de biens de valeur, voire même d'importantes sommes d'argent si celles-ci provenaient d'un riche marchand itinérant venu participer à une foire locale, par exemple. Par extension, eh bien, l'aubaine féodale a été assimilée par ses bénéfices dépendants du hasard. Le terme est ensuite resté dans le langage populaire malgré l'abandon progressif de ce privilège dans le courant du 17e siècle, puis de son abolition à la Révolution française. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une aubaine. Ça nous vient finalement d'un droit féodal, le droit d'aubaine. Hein? va se coucher beaucoup plus intelligent ce soir. En Australie, découverte d'une araignée capable de nager ainsi que d'attraper des poissons. Donc, une araignée pêcheresse. Non, une pêcheuse. Une nouvelle espèce d'araignée dotée de capacités étonnantes a été découverte dans le Queensland en Australie et présente pour la première fois, est présentée pour la première fois au public mercredi à l'occasion du Festival mondial de la science. Baptisée Delomedes Briagrine, en l'honneur du professeur et cofondateur du festival Brian Green, l'araignée est capable de nager et de rester sous l'eau pendant une heure. Elle se nourrit d'insectes, de poissons et même de crapauds trois fois plus gros qu'elle. L'araignée utilise notamment les vibrations à la surface de l'eau pour attirer ses proies. Elle reste immobile sur l'eau et tout d'un coup, dès qu'un insecte touche à l'eau, elle court vers lui, l'attrape, plonge sous l'eau, puis nage jusqu'au rivage pour le dévorer. C'est ce que détaille Mashable, Robert Raven, directeur du département d'arachnologie au musée du Queensland. Que les phobiques se rassurent, cette incroyable araignée qui fait la taille quand même de la paume d'une main n'est pas dangereuse pour l'homme et dit « J'ai été mordu par elle, donc, et ce n'était pas particulièrement grave. J'ai juste ressenti quelques picotements pendant un petit moment », explique-t-il. Donc, la Dolomedes Briagrine. Trump University, serait la casserole qui menace Donald Trump. L'Université Trump, ou le Trump University, a cessé toute activité depuis près de 6 ans, mais elle offre aujourd'hui un angle d'attaque inespéré aux rivaux républicains. Cette controverse qui devrait conduire Donald Trump devant les tribunaux est désormais massivement utilisée pour saper la probité de celui qui empile les victoires aux primaires dans sa course à la Maison-Blanche. Il essaye de faire au peuple américain ce qu'il fait aux gens qui se sont inscrits à ses cours. C'est ce qu'a taclé un de ses concurrents, le sénateur Marco Rubio, lors du dernier débat républicain. Ça, c'est bien drôle, hein, parce que le Parti républicain est en train de se saborder lui-même. C'est en 2010 que l'affaire de l'Université Trump voit le jour avec une plainte en nom collectif à San Diego, en Californie. Une deuxième suivra en 2013, peu après l'annonce de poursuites lancées par le ministère de la Justice de l'État de New York. Le démocrate Eric Schneiderman contre Donald Trump, le magna, qui naît alors qu'un riche entrepreneur et vedette de son émission de télé-réalité The Apprentice se voit accusé d'avoir escroqué quelques 5000 personnes avec l'université qu'il a fondée en 2004 et qui a cessé toute activité en août 2010. Malgré son appellation, cette structure à but lucratif ne délivrait pas de diplôme, mais proposait, moyennant des finances, des séminaires censés dévoiler les secrets du succès de Donald Trump, mais qui se sont révélés être des coquilles vides, selon l'une des plaintes collectives. Monsieur Trump a utilisé sa célébrité et est apparu dans des dizaines de publicités pour faire de fausses promesses et convaincre des gens de dépenser des dizaines de milliers de dollars, donc dans son espèce de d'arnaque. Bob Guillo, qui est l'un d'entre eux, attiré par la réputation du milliardaire, est un retraité de 76 ans qui a déboursé plus de 35 000 $ en 2009 pour assister à ses formations dans l'espoir que Donald Trump fasse de lui un petit gars comme moi, donc qui deviendrait un entrepreneur à succès, c'est ce qu'il raconte. Dès le premier séminaire, je me suis rendu compte que c'était bidon parce qu'il essayait de me vendre un autre programme à 9000 $. C'est ce qu'il assure, martelant que ce n'était pas une mauvaise formation, c'était tout simplement une escroquerie. Une autre plaignante, Kathleen Meese, se mord elle aussi les doigts d'avoir acquis un package Trump Gold Elite dans l'espoir de faire fortune dans l'immobilier. Trump a reçu 25 000 $ de mon argent et pour 25 000 $, j'ai eu un abonnement à vie au néant. C'est ce qu'elle écrit cette New-Yorkaise, mère d'un enfant trisomique, dans une déposition sous serment datée de 2012. Le camp Trump a sans surprise une vision radicalement différente des faits. Il y avait un taux de satisfaction de 98%, affirme son avocat Jerry Goldman, qui compare les plaignants à des abeilles attirées par le miel et désireux de récupérer leur argent. Versé au dossier, plusieurs dépositions sous serment font de fait des états de témoignage, enthousiasme d'anciens étudiants. La Trump University m'a donné des informations de base, l'inspiration et la motivation dont j'avais besoin pour me lancer dans l'investissement immobilier. C'est ce qu'a écrit Maddie Nielsen, une résidente de Floride, elle aussi, en 2012. Selon son avocat, M. Trump n'a dès lors pas l'once d'une crainte sur l'issue de son prochain procès et attend avec impatience que le ministre de la Justice de New York produise des preuves devant un tribunal et non pas dans des journaux. En attendant, le magnat de la presse, ou l'ancien magnat, n'a pu s'empêcher de se livrer à une... pas de la presse, magna de l'immobilier, n'a pu s'empêcher de se livrer à une provocation en s'assurant que le juge californien chargé du dossier lui en voulait personnellement parce qu'il était hispanique. Je pense que ça a été ça a à voir avec le fait que je suis très ferme sur la frontière mexicaine. C'est ce qu'a déclaré fin février sur Fox News le candidat qui a adopté une ligne dure sur l'immigration. Je pense qu'il est hispanique. C'est un juge donc qui m'est très hostile. Un génie, ce Trump, hein? Un génie du mal, mais un grand imbécile aussi. Une adolescente de 16 ans violée et à brûler vive. Atroce. Une violence inouïe, donc, cette adolescente indienne de 16 ans qui avait été violée et brûlée vive dimanche sur le toit de sa maison a succombé à ses blessures. En tout cas, la jeune fille était brûlée à plus de 95% lors de son admission à l'hôpital Savatthorpe de New Delhi. Elle n'a malheureusement pas pu être sauvée en dépit des efforts de l'équipe médicale. C'est ce qu'a déclaré Ashwani Kumar, le policier chargé de l'enquête. Elle est morte tôt mercredi matin. Le père de la victime a confié à la presse indienne qu'un voisin harcelait sa fille depuis un an en dépit de plusieurs mises en garde. Lors de l'agression, la victime aurait tenté de signaler son calvaire aux autres villageois et dans un excès de rage, son violeur aurait mis le feu à la jeune fille avant de fuir. Nous avons arrêté l'accusé, âgé de 19 ans, qui est incarcéré. C'est ce qu'a indiqué Ashwani Kumar. L'enquête devra permettre de comprendre les motifs et les détails de ce crime. Le suspect est poursuivi notamment pour viol et meurtre. Le viol en réunion ayant entraîné la mort d'une étudiante dans un bus de New Delhi en 2012 avait mis en lumière le haut niveau de violence dont sont victimes les femmes en Inde. Une loi avait alors durci les peines encourues. Tant mieux. Est-ce que c'est encore assez? Je ne sais pas. En fin de semaine, les Québécois devront ne pas oublier de faire une chose très importante. En effet, dans la nuit de samedi à dimanche, il sera maintenant le temps d'avancer l'heure. Ça fait tu chier, ça, hein? Plus précisément, le changement se fera à 2h du matin. En incluant le Canada, 70 pays à travers le monde procèdent à ces changements d'heure afin de maximiser la durée d'ensoleillement dans une journée. Du coup, n'oubliez pas de profiter de l'occasion afin de changer les batteries de vos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. Sinon, n'oubliez pas d'ajuster votre réveil matin si vous avez un rendez-vous important dimanche, car vous risquerez de passer tout droit de bonne heure. Bien sûr, n'oubliez pas de faire votre changement d'heure. Une faille permettrait aux pirates d'avoir accès à votre compte Facebook en tout temps. Un pirate informatique nommé Arnand Prashkar a fait réaliser aux administrateurs de Facebook que le populaire réseau social comportait une énorme faille qui permettrait aux personnes mal intentionnées d'accéder au compte de quiconque, à n'importe quel compte. Heureusement, comme Prakash est un pirate bien intentionné, celui-ci a averti Facebook qui a corrigé la faille tout en remerciant l'informaticien en lui remettant la somme de 15 000 $. Bonne chose, hein? C'est après tout, après avoir fait plusieurs expérimentations que Prakash a réalisé qu'il était possible de profiter d'une faille qui se produisait lorsque les utilisateurs changeaient leur mot de passe. Désormais, il est impossible de pirater un compte avec cette méthode, car Facebook a augmenté la sécurité du protocole. Ben, c'est une excellente chose. Vous l'ignorez peut-être, mais votre mois de naissance en dit beaucoup sur votre caractère et même votre personnalité. Si vous êtes né en janvier, vous seriez ambitieux. Si vous êtes né en février, incompris. Si vous êtes né en mars, eh bien, vous seriez généreux. Si vous êtes né en avril, vous seriez une personne dynamique. En mai, vous seriez cultivé. En juin, vous êtes supposé être curieux. En juillet, vous êtes mystérieux. En août, vous êtes une personne qui est drôle. En septembre, vous êtes quelqu'un de loyal. En octobre, vous êtes quelqu'un d'indépendant. En novembre, vous êtes honnête. Et si vous êtes né en décembre, eh bien, vous êtes impulsif. Le saviez-vous? Le mois de naissance peut déterminer avec plus ou moins de précision les traits de caractère ainsi que la personnalité d'un individu. C'est en tout cas ce que révèle une très, très sérieuse étude hongroise dans laquelle plus de 400 personnes ont été analysées en fonction de leur date de naissance et les spécialistes sont formels. Aussi troublant que cela puisse paraître, il existerait bel et bien un lien entre notre mois de naissance et notre personnalité. Vous souhaitez savoir ce que révèle votre mois, donc sur vous? Eh bien, je vous invite à le découvrir immédiatement. Je ne les ferai pas là, parce qu'il y en a 12, mais comme on est en mars, tiens, on va faire celui du mois de mars. Donc, si mars est votre mois, vous êtes sans doute une personne qui a le cœur sur la main. L'affection, la générosité et la sympathie dont vous faites preuve très fréquemment donnent envie d'aller vers vous. De nature, vous êtes un ou une vraie gentille ou un vrai gentil ou une vraie gentille. À vos yeux, tendre la main à ceux qui sont en détresse est tout simplement normal. Vous aimez aider et vous rendre utile. Bien que loyal, vous êtes aussi capable de tirer un trait sur une amitié du jour au lendemain. En effet, vous ne supportez pas la trahison et vous n'êtes pas du genre à pardonner. En bref, vous êtes adorable, mais vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds pour autant. C'est génial. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis tiens, je vais en faire un autre comme ça au hasard. Là, mon garçon est en juin. Vous êtes né en juin, la créativité, la curiosité ainsi que la communication vous caractérisent. Vous parlez souvent sans réfléchir, mais heureusement pour vous, votre humour légendaire vous permettra de vous sortir de certaines situations délicates. Vous êtes également loyal et honnête et estimez que toute vérité n'est pas bonne à dire. N'est pas bonne à dire en face, en tout cas, et jamais dans le dos. Pour vous, l'apparence est importante et vous aimez prendre soin de la vôtre. Vous êtes un redoutable compétiteur dans les jeux amoureux et entre vos mains, vos partenaires se transforment souvent en jouets. Ben effectivement, il y a beaucoup de traits que je vois de mon garçon. Vous irez voir ça, les 12 mois de l'année, ils sont très très bien représentés. Et puis j'aime autant mieux pas aller lire le mien, c'est pas si trippant que ça. C'est ça. On s'en va vers une autre nouvelle ici. Un temple druide découvert en Écosse. Ce serait une découverte archéologique majeure. Un éminent historien assure que le mystérieux réseau de tunnels souterrains de Gilmerton, dans la banlieue d'Édimbourg, serait un ancien temple druidique. Une affirmation qui mettrait fin aux nombreuses spéculations qui entourent les origines de cet étonnant dédale de couloirs et de chambres sculptées dans le grès. Un repère de sorcières au Moyen-Âge, cachette pour les Templiers, refuge de contrebandiers d'alcool, toutes les hypothèses ont été évoquées au sujet de ces caves sans qu'aucune ne soit vraiment prise au sérieux. Il peut y avoir aussi un peu de tout ça, hein? Est-ce que ça pourrait être un temple druidique qui, par après, a servi comme cachette dans du trafic d'alcool? Ça pourrait être ça. Le site dont la première mention remonte à 1724 déroute tous les experts, sauf Julian Spalding, qui est un ancien chef des musées et des galeries de Glasgow. Lui assure cette semaine que le souterrain est certainement un temple druidique vieux de plus de 2000 ans. Selon lui, le temple a été délibérément enterré par les anciens prêtres pour protéger son caractère sacré, ce qui expliquerait donc pourquoi deux passages sont toujours bloqués par des décombres, alors que beaucoup imaginent qu'il s'agit de pierres d'excavation. L'ensemble est magnifiquement cohérent et tout indique que c'est une équipe d'artisans hautement qualifiés, aidés par de nombreux assistants et guidés par un architecte qui se sont mis à l'œuvre dans ce temple. Et c'est ce que s'enthousiasme ce spécialiste des arts premiers. La disposition des chambres et des passages sont très élaborées. Les murs de séparation sont souvent remarquablement minces et toutes les formes au sein de la cave sont courbes, une particularité de la culture celtique, note l'historien. Selon lui, le site cumule les indices qui plaident dans son hypothèse antique. Les druides étaient connus pour se rencontrer en secret dans les bois et les grottes, loin des habitations, hors Monsieur Gilmerton, qui est une... Or, Gilmerton, le site, hein, est sur une haute crête marquée par la présence de mégalithes qui donne sur Cramon, le site du premier peuplement humain qui est connu en Écosse. Ce qui fait dire à ses historiens que ces tunnels remontent probablement à l'âge du fer. Si ces affirmations se vérifient, M. Gilmerton... Pourquoi je dis ça? Gilmerton, c'est le site qui s'appelle comme ça. Eh bien, revêtirait une importance patrimoniale capitale, non seulement parce que son site est dans un très bon état, mais aussi parce qu'il serait la première preuve archéologique susceptible de décrire le sacerdoce sophistiqué des druides, dont le secret s'est perdu avec la conquête romaine. Rien que pour cela, Julian Spalding estime que Kilmerton Cove, qui a été maintenant ouvert à la visite, il y a 13 ans, pourrait être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ben, je ne sais pas pourquoi on ne l'aurait pas inscrit même d'avance. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. On sait c'est qui son prénom et son nom de famille. Samuel Gérard, tu ne diras pas que Gérard est son prénom, c'est sûr que non, sinon, merde, t'es dans le champ. Donc le voici, avec sa chronique hebdomadaire. Samuel Gérard et sa chronique sur l'actualité québécoise et canadienne. Bonjour à toi, Samuel. Ça va bien? T'avais pas ouvert mon micro? Non, ça disait pas, ça va pas. Si tu le disais pas, ça aurait même pas paru. Pas radio. T'es tellement pas radio. Tu fais juste 12 heures par semaine. À peine. T'es tellement pas radio. Non, mais pourtant, tu devrais savoir qu'avec moi, j'aime ça un peu tourner ça à la blague. À la blague. Ben oui. On aime ça. On est comme des vrais petits genres de taquins. C'est exactement. On est comme dans une cour de récré, nous trois ensemble. Ben oui, comme ça, on montre qu'on peut en rire au lieu de se sentir mal. C'est ça. Tout le monde croise Tania, hein, Tania? Ah, mais non, voyons. Pourquoi tu parles? Ben oui, voyons, clin d'œil. Dis-t-il.

puis on va faire des tests, voir si c'est possible d'amener ces matériaux-là à la fusion aux températures hypothétiques qu'ils ont posées. Ouais. Ils n'ont pas eu accès. C'est donc le documentaire se termine un peu... Ben, ça aurait pu prouver... à l'ombre de tout doute, que la théorie du complot est fausse. Ben, c'est ça. Je sais pas. Écoute, on s'entend, sont très, très, très protecteurs aux États-Unis. Là, ouais. On s'entend. Ouais, moi, je trouve ça plate un peu parce qu'il faut tellement faire de démarches pour avoir accès à de l'information, avoir accès à certaines choses. C'est encore pire qu'ici. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça dommage. Mais reste que c'était la première fois qu'un documentaire me surprenait à ce point-là par rapport au 11 septembre et dans lequel on n'aborde aucunement la théorie du complot. On prend juste telles quelles les images qu'on a, les modèles qui ont été faits. C'est juste des ingénieurs qui parlent, des chercheurs, des chimistes. Et on arrive à cette conclusion-là que c'est certainement l'aluminium en fusion qui a causé des mini-explosions par tous ces étages. Eh ben. As-tu envie de nous poster ça sur la page Facebook d'Assemblage requis, ce documentaire-là, si tu le trouves à quelque part? Le si nom je du... le trouve, ça va me faire plaisir de t'envoyer le lien. Ce serait bien gentil, merci beaucoup. Samuel Girard. C'est tout. Plein de sujets en une chronique aussi intéressante que ça. C'est incroyable et on te remercie énormément. Ça fait plaisir. Samuel Girard, on t'écoute les jeudis à 9h30 à l'émission Génie en liberté. Sans faute. Ça repasse les samedis matins à 10h et on se retrouve aussi au Mathieu Plante Show cette semaine. Cette semaine, oui. Entre 15h et 17h mercredi. Merci Sam. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Je vous parle d'hypnose. Eh bien oui, se faire hypnotiser et mourir. Hein? On connaît l'hypnose, Mesmer, etc. On connaît l'hypnose thérapeutique. C'est une méthode reconnue pour contrer plusieurs problèmes, des douleurs, entre autres lors d'accouchement ou pour se débarrasser de vilaines habitudes. Mais on la lie assez rarement au décès. Pourtant, c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises. Voici ce qui s'est passé. Un diagnostic mortel. En 1894, la vie d'un médecin valait bien celui d'une voyante. Aussi, quoi que de plus normal que de se tourner vers Ella Salomon, qui était dotée du don de voyance sous hypnose, pour identifier le mal qui ronge un frère qui crache du sang. Hélas, la séance prend une tournure funeste. Salomon décède mystérieusement quelques minutes après le diagnostic. Donc, c'est la dame qui hypnotisait qui est tombée raide morte. Elle serait le premier cas recensé de mort par hypnose, bien que la thèse demeure controversée. OK, ben c'est ce que je me disais. En tout cas, particulier. Un crime presque parfait ici. Toujours en 1894, l'hypnose et l'année 94-1800 a beaucoup à voir. Il y a un lien ici, sûrement un lien d'espace-temps, comme on a appris dans Back to the Future. Au Kansas, le riche fermier Anderson Gray entend réduire au silence un témoin gênant, Thomas Payton, dans le cadre d'une poursuite judiciaire. Au grand mot, les grands remèdes, oui. Il procède donc à une séance d'hypnose sur son voisin Thomas McDonald pour le forcer à assassiner Payton. McDonald abat donc Payton, mais il est déclaré non coupable pour cause d'hypnose. Gray sera quant à lui pendu haut et court. Ben, je pense que c'est une bonne chose. Il a eu ce qu'il voulait. La personne est morte, mais lui aussi. L'hypnose dure pour le cœur. En 1909, Robert Simpson se porte volontaire lors d'un spectacle d'hypnose alors qu'il est en état d'ivresse avancée. L'hypnotiseur le fait alors se tenir à l'horizontale, la tête et les pieds appuyés sur une chaise. Puis, il se place debout sur sa poitrine. Robert Simpson ne se relèvera jamais de cette séance puisqu'il mourra sur le champ d'une rupture de l'aorte. Que blâmer, l'alcool, l'hypnose ou l'hypnotiseur? Ben ça, c'est une autre histoire. On ne sait pas. Une naissance mort tout en douceur. En 1932, c'est Marie Colombo qui a recours à un hypnotiseur car elle souhaite accoucher sans douleur. Les policiers dépêchent alors sur les lieux le jour de l'hypnose. Les policiers dépêchés sur les lieux le jour de l'hypnose retrouveront la jeune femme de 23 ans sans vie, gisant sur le divan, le sourire figé au visage. L'homme qui l'avait hypnotisée s'était bien défendu de n'avoir rien fait de mal. Il a tout de même été accusé de meurtre d'une femme enceinte avant d'être relâché, faute de preuves. Quand même. L'éviter, et mourir. En 1952, c'est le corps du jeune Jiram Rosenblum qui est retrouvé pendu dans le sous-sol de ses parents. Alors que tout pointe vers la thèse du suicide, la mère offre une autre explication au coroner. Il s'agirait plutôt d'une séance de lévitation sous hypnose qui aurait mal tourné. Le coroner accepte l'improbable version en déclarant que Girard est décédé suite à des recherches sous hypnose. Je pense que le coroner puis la mère de famille avaient peut-être une petite liaison hein, pour pouvoir avaler une histoire pareille. Et finalement, un spectacle à couper le souffle, c'est en 1993 qu'une mère endeuillée milite pour l'interdiction des spectacles d'hypnose en Angleterre. La raison, c'est que sa fille Sharon Taborn s'est étouffée et est décédée quelques heures seulement après avoir été hypnotisée lors d'une prestation d'Andrew Vincent. Le ministre de l'époque refuse sa demande. Alors l'hypnose, oui, mais pas à n'importe quel prix, hein? Vous venez d'entendre les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Vous avez aimé ça? Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Vous pouvez aussi écouter C'est fou en direct et télécharger les balados-diffusions sur cestfou.ca.